Mes chers amis, je vous remercie d'être là parce que la poésie, qui est une grande affaire, n'est plus aujourd'hui l'affaire, vous permettez que je me déshabille, n'est plus désormais l'affaire des médias, n'est plus désormais l'affaire centrale de la littérature. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Évidemment, je le regrette pour la poésie, mais je le regrette surtout pour ceux qui sont les lecteurs littéraires. De ce temps et qui vont beaucoup plus vers le roman que vers la poésie. C'est évidemment regrettable. Je vais tout de même essayer d'analyser la situation en toute objectivité poétique et philosophique à la fois. Peut-être aimeriez-vous, avant que je me lance dans l'affaire, écouter un de mes poèmes que j'ai lu il y a quelques jours au théâtre des chargeurs, où j'étais invité pour le premier jour du printemps des poètes, comme si les poètes avaient besoin de printemps, alors que ce sont eux qui font le printemps de l'imaginaire et de la langue, et une personne qui était dans la salle ce jour-là, qui avait lu ce poème, m'ont demandé de le relire à cette occasion, à l'occasion de cette conférence. Et après, nous entrons dans les élucidations, les explications que je souhaite vous donner. Deux jardins et le même. J'écris pour un jardin grillagé par le feu, pour un jardin aux fleurs immenses dans l'esprit. J'écris contre les mots, contre la mort, qui pourtant sont faits d'un tapis de racines, doux à nos pieds vivants, qui promènent nos ombres dans un pays de visite ensoleillée. Pays de la visite, la pluie s'est cachée dans les angles des murs, elle regarde se faire la plus grande machine, qui est le temps du temps, essence du grand temps, et nous allons enfin les mains ouvertes, nous élant dans le bleu du jour, offrant aux uns, aux autres, le salut, comme un panier rempli de pain, tenu par un bras rassuré. J'écris pour ce jardin que la pluie a mouillé, sous le couvert des arbres, il y a fête et le vide. Le feu s'est retiré du côté des montagnes, et moi je suis dans le jardin, parmi des chats. J'attends quelqu'un qui me fait peur, j'attends quelqu'un qui m'est bonheur, comme la montée de la lune dans le rien. 2. J'écris contre la mort et sa divinité, sous le regard de ceux qui déjà me voient mort. Ce sera lundi ou mardi ou mercredi, ou bien dimanche, qui est le jour des oiseaux. Je donne à mes oiseaux des miettes, ils crient, je crie. Le silence frémit à l'infini des arbres, je me tiens seul sur le balcon de l'esprit. Seul et tremblant je suis, à la lisière de la forêt elle court. Certaines sont à cheval, amazones, princesses, toutes les femmes que j'ai aimées, fillettes et filles. Elles virent naître Elles virent buissonner leurs buissons, leurs beaux furets luisants, et j'ai parfois dormi, mes narines dans ce poil, comme un roi amoureux du crottin. Jardin autour de moi, donne au roi, à ce pauvre roi, tes rêves, pour qu'il sorte enfin de sa longue insomnie. Qu'est-ce qui nous vient? Qu'est-ce qui nous vient du fond des choses? Je suis sans nouvelles de personne, ni d'ailleurs de moi-même, ni de personne. J'attends dans ce jardin le mien, petit, la foudre. Elle arrivera vite, comme demoiselle aveugle, qui brusquera ma bouche. Toi. Je viens à peine de sortir de l'œuf. Je me crois cygne. Autour de moi ce lac, peut-être d'Annecy, et ses pentes boisées, on les croirait voilées pour une éternité de beauté morte. On est ailleurs, ailleurs que dans ce monde-ci. La terre est loin comme une orange bleue dans la main veloutée des luards. Il y a beaucoup d'étoiles partout, mais d'elles, parmi 100 000, je reconnaîtrai la terre, ma chérie, mon épouse, amante, amante. Je vois là-bas, dans le bleu étrange du lac, Salastétier qui nage. Il a 20 ans, l'eau est à 15 degrés, et il l'embrasse avec passion, comme s'il lisait un livre de flammes. S'il s'approche trop de moi, d'un coup d'aile, je lui briserai l'échine. Cela a bien failli se produire. Mais le jardin, j'irai peut-être vers un autre en emportant la clé de celui-ci. 4. Et me voici, ici, le traversé du temps, sous l'arbre, le dernier de ma lignée. Je dors et me réveille sous des nuées, au rêve, et ma maison est habitée d'abeilles, servante obscure, ma servante, parmi le peuple de Milan. Si je l'appelle, qu'elle vienne avec des fruits, et que je sois seul à savoir son prénom. Et voici que le froid, personne dans l'absolu du froid, moi, si nu, je vais par bien des rues sous d'aveugles regards vers la source des puretés acquises, par bien des rues et leurs jardins muets, les rossignols étant depuis longtemps partis, et les moineaux, et les corbeaux, et les aspris. Tout est désormais d'un silence de croix dans ce pays de sel, ce pays de chiens morts, accroupi à des seuils. Dites-moi, dites, ai-je trouvé, je vais, où est le puits, où la corde, où la clé? Le monde est coupé en deux par le jour, je suis du côté du jardin, tendant l'index fixement vers l'or des nuits. 5. Christ, chacun est Christ, jardin des oliviers, je suis ta trace et ta douleur, je dors et veille. Je suis un homme avec des fourmis dans la tête, je dors et veille, et je tourne le dos au Christ. Je ne suis pas de ce jardin, je suis l'amour entre les jambes de la femme, entre elle et moi, il y a la rose masculine, dans les écartements des roses de l'esprit. Je suis le pasteur de ma langue, ô chère Lucide, je te parle dans un murmure d'ombre. Nous dormons tous sexe velu dehors, comme une foule dressée avec des croix. Ce corps, le tien, je le maintiens, au cœur de chambre maçonné sur des lits fous. Les fenêtres sont aveuglantes ce matin, excès et belle impure. Jardin, ô ma très dense, tu es cu et chemise, la main de Dieu caresse tes matières, tu saignes et tu vis, nous spermons et je vis, à deux, un peu, nous posséderons la terre. Donc, raison et déraison de la poésie. La poésie, comme cela fut dit, est la première venue. Depuis que l'homme existe, c'est-à-dire depuis avant-hier, depuis qu'il a à sa disposition pour formuler et se formuler un langage et une langue, c'est-à-dire seulement depuis hier, un hier que perpétue l'aujourd'hui, il a voulu comprendre, rendre en lui et autour de lui les éléments de son destin. Certains diront son histoire, mais les mélanger à d'autres destins ou histoires au sein de la globalité cosmique. Premier élément repéré, le souffle qui est la vie. Ce souffle dont l'homme vit sert aussi à sa parole d'homme dont il est l'aliment combustible, sert à sa danse d'homme dont il est le foyer et le moteur. Entre naître et mourir, l'homme respire et s'interroge. La question, l'interrogation imparable, est en lui cette plante qui a ses racines dans sa nuit. Nuit qui n'est pas sa nuit seulement, qui est nuit de l'espèce, nuit qui n'est pas nuit seulement de l'espèce, qui est également nuit cosmique. L'homme, Michel Foucault l'a fortement montré, n'est qu'un savoir. Et peut-être est-il aussi un pouvoir, l'un et l'autre éphémère, paradoxaux et volatiles, à la surface d'une archéologie profonde dont seule est entamée la surface par la médiation d'une connaissance à géométrie variable. Le poète est celui qui cherche un savoir, qui quête tout savoir du côté obscur de la connaissance, comme on gratte le sol pour y retrouver empreintes et vestiges indéchiffrables à qui n'en porte pas en lui l'étroite et l'obstinée passion. D'où, pour l'entreprise de poésie, l'importance fondamentale de l'inconscient. Je serais tenté de dire de tous les inconscients superposés dont le poète, médiateur sans profitisme, illuminateur sans luxe, dominateur accidentel et vulnérable, se trouve être, sans l'avoir cherché, et aussi bien pour l'avoir cherché, l'impuissant et délicat dépositaire. Impuissant, il y a sa parole, ce souffle, pour affirmer et confirmer son pouvoir minuscule sur ce savoir immense qui lui est parvenu, écho à sa méditation écoutante, à son ambition gratteuse. L'inverse, mystérieusement, car tout du trajet souffle-parole est mystérieux, l'inverse est aussi vrai. Le pouvoir du poète, qui est de nommer l'innommé, comme celui du philosophe, et de penser l'impensé, ce pouvoir est immense, alors que son savoir, obscur, entravé, est lui assez tragiquement limité. Le poète, homme de solitude, ne nomme finalement que le lot le plus commun et le mieux reçu en partage par tous. Outre la vie, la mort et l'amour, ces trois angles de notre triangle, il donne, chaque fois un peu autrement il est vrai, leur nom à l'air et au sable, au ciel et aux étoiles. Une étoile n'est pas un nom, dit un proverbe kabyle, au vent et aux villes, aux yeux et à quelques anges assassinés. Aux arbres, bien sûr, et aux pays, aux continents et aux nuages, aux feux et aux fous. Les murs sont les cahiers des fous, dit joliment un proverbe arabe. Au mur et à la mer, il y a trois sortes d'hommes, dit Platon, les morts, les vivants et ceux qui vont sur la mer. Or, il tombe sous le sens que ces éléments, parmi bien d'autres, qui, à la façon d'un jardin, nous enclosent et nous délivrent, sont ceux de notre quotidienneté la plus ordinaire, ceux dont nous vivons sans y penser, comme l'air que nous respirons ou le soleil dont nous attendons toute croissance. Sans y penser, la tâche de la poésie, enracinée dans les inconscients et les archéologies que j'ai énoncées est à son fait de nous faire prendre conscience justement de ces évidences éclatantes ou meurtrissantes qui nous accompagnent, interférant entre elles et avec nous. Appellera-t-on esprit cet effort d'arrachement du plus obscur en quoi nous sommes plongés au rayonnement de l'instant intuitif qui nous fait soudain voir le visible, s'il en était ainsi. Cet effort serait bien l'acte rigoureux et pur de la manifestation de l'esprit, embrasant une globalité diaphane. Alors oui, dis-je, la poésie, qui par le jeu profond de la parole, du nom nommant, réussit parfois à réunir ce qui est dispersé, à la façon dont Héraclite regroupe les immortels qui sont mortels et les mortels qui sont immortels au sein de leur identité reconnue, la poésie devient l'acte de l'esprit par excellence à travers qui, dit Héraclite, s'échange perpétuellement la vie et la mort. Paramètre contenant l'ensemble de nos autres paramètres, ambiguïté, mère de toutes nos autres ambiguïtés. Et si dans cette entreprise où j'essaie d'inscrire ma parole, s'inscrire dans l'être, ai-je écrit, des références sont indispensables, il y a surtout en ce qui me concerne, parmi ceux-là que je souhaiterais, non sans timidité, pouvoir surnommer mes pères, Rimbaud bien sûr, père, P-E-R-E-S bien sûr, Rimbaud bien sûr, mais aussi plus haut dans le temps, Jelal ed-Din Rumi dans l'ère islamique et Basho, point central au Japon de ma géographie spirituelle. Dans la langue française, outre Rimbaud, c'est du côté de Jodel, de Racine et de Nerval que je me sens retenu. Le monde est monde. Le langage est monde également, mais c'est là monde figuré, tout projection et symbole. Monde aveugle des forces d'une part, outil pour parvenir un temps soit peu à l'élucidation de ces forces d'autre part, voilà en quoi consiste l'équation égalitaire, inégalitaire. Personne n'en sait rien. Tout dépend du degré de crédit que l'on accorde au nom pour recouvrir efficacement la réalité de la chose convoquée par le dire poétique. Et l'on voit déjà toutes les ambiguïtés surgir rien qu'à l'énoncé de certains mots. Qu'est-ce en effet que le nom? Qu'est-ce que la réalité? Toute la philosophie, toute la pensée humaine, depuis qu'elles existent, tentent cette impossible approche et établissent une adéquation par quoi l'un des termes ou pôles, le nom, et l'autre, le réel, œuvrent de concert, comme s'ils étaient mis en situation de se réfléchir l'un l'autre. Les mots et les choses, n'est-ce pas là, d'une certaine façon, l'ouvrage majeur de la philosophie de notre époque, après les apports de Sartre, de Husserl et de Heidegger. Réfléchir, se réfléchir, mot-clé. Jelal ed-Din Rumi, poète soufi du XIIIe siècle, qui est l'une de mes références, je l'ai dit, poète de la dimension la plus grande, s'est longuement arrêté au symbole du miroir pour ce que ce miroir signifie de pouvoir interférent entre extérieur et intérieur, entre ce qui est de l'ordre du visible et ce qui est de l'ordre de l'invisible, que cet invisible soit de l'homme ou qu'il soit de Dieu. Lui est croyant. Le miroir est le médiateur par excellence, celui qui accueille et reçoit les propositions faites par le grand dehors, objet, chose ou être, et qui les restitue dans sa propre lumière. J'ai parfois rappelé dans l'un ou l'autre de mes textes concernant cette question ambiguë, particulièrement ambiguë, parce qu'elle met en jeu le limpide et que rien ne trouble autant que la limpidité que d'être sujette à une question. Oui, j'ai souvent rappelé le merveilleux apologue de Jelal ed-Din dans le Masnavi. qui est un de ses livres importants. Histoire. Un jour, un sultan convoque dans son palais des peintres venus les uns de Chine et les autres de Byzance. Les Chinois prétendaient être les meilleurs des artistes. Les Grecs, de leur côté, revendiquaient la précédence de leur état. Le sultan les chargea de décorer à fresque deux murs qui se faisaient face. Un rideau séparait les deux groupes de concurrents qui peignaient chacun une paroi sans savoir ce que leurs rivaux faisaient. Mais tandis que les Chinois employaient toutes sortes de peintures et déployaient de grands efforts, les Grecs se contentaient de polir et repolir sans relâche leurs murs. Lorsque le rideau fut tiré, on a admiré les admirables fresques, en effet, des peintres chinois, se reflétant dans le mur opposé qui brillait comme un miroir. Or, tout ce que le sultan avait vu sur le mur des Chinois semblait beaucoup plus beau reflété sur le miroir des Grecs. Eh bien, voilà ce qu'est le poème. Le poème, n'est-ce pas, prend les choses du monde, le monde est ce qu'il est, et il les met en miroir. Et les choses vues en miroir, dans la lumière de l'esprit, sont infiniment plus belles que les choses telles qu'elles nous apparaissent. C'est cela que Mallarmé veut dire quand il parle de donner un sens plus pur au mot de la tribu. Le sens plus pur, c'est ce qui, dans l'univers et dans la langue, échappe au hasard, peut-être même échappe-t-il par son épiphanie de beauté à la détérioration et à la mort. J'ai moi-même écrit que la poésie était l'incendie des aspects, c'est-à-dire ce qui reste une fois que tout est consumé par la parole, et alors ce que les mots retiennent après l'incendie, c'est cela qui est la poésie. René Char admirablement l'a dit quand il écrit dans un de ses aphorismes: si nous habitons un éclair, il est le cœur de l'Éternel. Ce passage, comme aurait dit André Michaud, ce vide, ce passage par le vide, est l'un des lieux les plus forts de la création spirituelle et dans le même temps de la création poétique. Aussi bien l'expérience du vide n'est-elle pas loin de là du seul domaine de nos religions abrahamiques. Le bouddhisme, l'hindouisme aussi, connaissent plus encore que nous l'expérience du vide dont ils sont parvenus à faire l'essentiel technique d'approche spirituelle. Je voudrais vous citer deux citations, l'une prise au Prajnapa Mitra Sutra, assure « Le vide, c'est la forme, c'est le vide. » Et on dirait, dans cet aphorisme, que c'est une définition de toute la poésie, de toute l'expérience moderne. Et l'autre, puisée dans le Vinaya Bhairava, déclare, et c'est pour moi l'acte majeur et décisif en quoi se manifeste la poésie, mais aussi toute quête spirituelle, dont la poésie n'est qu'une des occurrences hautement significatives, lorsque deux choses sont perçues avec la même conscience de l'intervalle, entre les deux, il faut se placer soi-même. Que l'on élimine alors les deux choses, et dans l'intervalle resplendira la réalité. Voici le grand mot. Selon moi, la poésie n'est pas destinée à couper l'homme de l'univers ou à le couper de lui-même dans une volonté de domination de l'univers par le moyen de la langue, mais au contraire, la poésie me paraît une tentative de créer au sein de la langue et entre langue et monde des circuits poreux et vulnérables. Et quand je dis univers, qui est un grand mot, je veux parler des réalités les plus quotidiennes de notre vie. Le nuage, la fleur, l'insecte, toutes choses normalement mêlées à notre quotidien que le poète assume et traduit dans son projet de se formuler ici et maintenant avec l'ensemble des choses humbles et rayonnantes qui sont de l'ordre de la permanence. L'ici et maintenant est fondamentalement constitué de transitoire, de provisoire, d'évasif, d'éphémère. La permanence, elle, est de l'ordre de l'absolu. De plus, n'ai-je pas défini dès le départ le poète comme un homme d'exil, de sorte qu'il apparaît que le trajet essentiel du poète est précisément de partir de l'ici et maintenant, quel qu'il soit, pour rejoindre les permanences. Qu'est-ce qu'une permanence ? C'est une entité dont on ne peut supposer ni imaginer que les transformations qui régissent notre être au monde, qu'elles soient dues ces transformations à la science, à l'évolution économique ou socio-culturelle ou scientifique, puissent influer sur lui, ni le transformer radicalement. Il y a de cet être au monde des données inscrites dans le toujours, données qui font partie de notre condition, comme les yeux font partie du visage. Il y a ainsi ce qu'on appelle la naissance, le mystère de la naissance, l'enfance, le mystère de l'enfance, le souvenir, la cristallisation, mieux le cristal limpide obtenu sans cesse par le souvenir à partir de tout ce qui a été vécu, l'amour, l'éblouissement de l'amour, le sein de la jeune fille, la beauté d'un regard, le ciel, les étoiles, et pour employer la terminologie franciscaine, les animaux qui sont nos amis, les arbres qui sont nos frères, toutes ces présences limpides et obscures qui nous tiennent compagnie et qui cheminent avec nous du début à la fin, la mort étant elle aussi une permanence. Et quelle permanence ! Ce que plus simplement je veux dire, c'est que la poésie n'apparaît plus, hélas, parmi les urgences que l'homme contemporain, que la société contemporaine ressente comme telle. Nous appartenons de plus en plus dans le monde développé à des sociétés de divertissement, au sens pascalien du terme. Or, le poète est l'homme de l'avertissement. Reste que par-delà ce jeu du divertissement, le poète, en marge de cette distraction universelle, est celui qui sait et qui répète à l'envi que les formes de cette distraction, que les modes de ce divertissement passent et passeront, et que l'homme, qu'il le veuille ou non, est finalement comptable de ceux dont le poète, par son œuvre, n'a cessé de rappeler l'existence. Ces présences que l'homme, au fur et à mesure qu'il se spiritualise par l'usure des jours, et par la transparence advenue, retrouve en lui-même et autour de lui. Ici, j'observe que ce sont les sociétés les plus démunies, les plus faibles économiquement, les plus périphériques par rapport à la civilisation technique et technologique qui continuent de faire le plus confiance à la poésie et aux poètes, sans doute parce qu'elles sont plus proches des origines, c'est-à-dire, somme toute, des fins dernières. Et la poésie, à quel moment apparaît-elle ? À quel moment ce qui est de l'ordre de l'être passe dans le corps aventureux de la langue ? On ne sait pas à quel instant les choses deviennent, si jamais elles deviennent. Et un poète qui serait trop conscient de son pouvoir sur le monde, sur la langue, serait probablement d'une certaine façon un poète inabouti. Exemple, Paul Valéry. Valéry est bien entendu un immense esprit, et il a écrit en prose et parfois plus rarement en poésie des fragments superbes. je n'en recuse pas moins fondamentalement sa position devant la poésie, considérée par lui comme un exercice. La poésie ne peut pas être un jeu, un jouet de la langue. Elle peut être éventuellement un exercice spirituel au sens où l'entendent les mystiques, à savoir une tentative d'intérioriser le monde et la langue pour les rapprocher de plus en plus du centre dévastateur, cet incendie des aspects en qui tout se consume, sauf le joyau de l'être. Je voudrais ici vous raconter pour vous dire cette espèce de miracle qui fait que brusquement des choses sont captées et mises dans la langue comme définitive. Je voudrais vous raconter un apologue de Rabindranath Tagore. Il est un grand poète, comme vous le savez, hindou, indien, et qui a reçu le prix Nobel de littérature dans les années 35-36. Un poète part, dit-il, à la recherche de la pierre philosophale, celle qui convertit le cuivre en or. Il prend les chemins de tous les exils, passant éternellement d'un lieu à l'autre, afin de trouver cette pierre, l'une de ces présences à peine aperçues, dont la poésie tire sa fulguration. Pour se simplifier la tâche, il s'est passé à la taille une ceinture de cuivre, et selon qu'il va, chaque fois qu'il voit une pierre qui pourrait être celle qu'il cherche, il la prend et la frotte contre son ventre, contre cette ceinture. Et là, cette ceinture reste de cuivre. Les journées passent, les années passent, il fait toujours le même geste, d'une manière de plus en plus machinale. Chaque fois qu'il trouve une pièce, une pierre possible, il la prend, la frotte contre sa ceinture, la jette et continue son chemin sans même regarder sa ceinture, car à quoi bon ? Finalement, le désespoir est là. Puis un jour, par hasard, le fakir regarde sa ceinture, et il voit qu'elle est devenue d'or. À quel moment le cuivre s'est-il transformé? Où donc et quand a-t-il rencontré la pierre? Il ne le sait pas. Il ne le saura jamais. Ce n'est pas mon dessein de confondre spiritualité et poésie, mais je constate une chose étonnante, que tous les grands livres spirituels auraient peut-être disparu s'ils n'étaient pas soutenus par une grande langue de poésie. Tous les grands livres spirituels sont portés par la poésie. Et si ça avait été des livres de formule scientifique, de formule idéologique, ils auraient, selon moi, comme les philosophies le font régulièrement, disparu. Or, les livres existent toujours, et la Bible est un grand livre de poésie et contient des poèmes superbes, les psaumes, le plus grand poème d'amour, qui est, comme chacun sait, le Cantique des Cantiques. Les évangiles ne sont pas un livre de poésie, mais les paraboles du Christ sont admirables. Dans leur simplicité et leur rayonnement, ce sont des paraboles de poésie, poétique. Le Coran est un livre tellement pénétré de poésie que Dieu Allah, dans le Coran, se paie le luxe d'écrire pour qu'on ne dise pas du Coran que c'est un livre de poésie. Il y a une sourate du Coran qui s'appelle Les Poètes, et où les poètes sont condamnés comme des divagateurs. 15 siècles après, Mallarmé écrira Divagation. Et déjà, dans le Coran, il y a le mot. Le Popol Vuh, le dit de Padma, tous les livres de haute spiritualité, les Upanishads, sont portés par la poésie, et à mon sens, ils auraient disparu si la poésie n'était pas là. Ce qui montre à quel point la poésie est essentielle à la spiritualité. Je ne dis pas que les spirituels sont des poètes, bien que certains d'entre eux, Jean de la Croix, Jalaluddin Rumi, etc., ce soit exprimé directement en poésie, mais il me semble qu'entre les poètes et les prophètes, il y a un carrefour où les uns et les autres se rencontrent. Je ne vais pas trop prolonger mon propos, mais je voudrais tout de même vous dire encore certaines choses. Parmi les poètes, il y a Thérèse d'Avila, il y a Jean de la Croix, qui sont en même temps de grands spirituels. Bon, tout cela n'intéresse plus ce qu'on appelle le grand public. Le grand public veut la télévision, le grand public veut le roman, il veut le divertissement. L'homme moderne n'a plus le temps de retourner à lui-même, si peut-être à la fin de sa vie. Mais dans le courant de sa vie, l'économie est là, la famille est là, les facilités sont là, et il veut se décharger de tout cela qui constitue ce qu'on appelle son fort intérieur au profit de cette espèce de perte de la substance intérieure dans ce que Pascal appelle le divertissement. Il faut d'une certaine façon qu'il y ait l'expérience de la vie, mais que dans cette expérience, l'homme ne se perde pas, ne perd pas son innocence. Et un des grands livres de poésie est un livre d'un grand poète anglais, William Blake. Et comment s'appelle ce livre ? Chant d'innocence et d'expérience. Le poète est par fulgurante innocence, diront certains, par naïveté, diront d'autres, le témoin de l'impossibilité réelle d'organiser le cosmos ou l'esprit qui sont incessantes créations et donc désordres pour les faire rentrer dans des catégories rassurantes. L'amour n'est pas rassurant, la mort ne l'est pas non plus. Quand Angelus Silesius, poète allemand du XVIIe siècle, énonce par exemple « La rose est sans pourquoi », il ne veut pas dire « La rose est sans pourquoi », elle est là. Il ne veut pas dire seulement que la rose se prouve par elle-même dans le simple fait d'exister, mais qu'aussi bien on ne connaîtra jamais la raison irrationnelle, profonde, inexplicable, sauvagement ontologique de son être. Je termine. La poésie. La poésie est, selon moi, la servante obscure, celle qui reste en coulisses, et sans qui pourtant rien ne serait vraiment compréhensible, rien vraiment ne se ferait. Les clés ouvrantes, c'est elle qui les a en main, c'est elle qui les garde dans son humble tablier de paroles. C'est elle à l'origine qui, par le cri signifiant, est l'inventrice du langage, et c'est ainsi qu'elle se révèle à nous comme la véritable maîtresse du domaine, notre domaine. N'est-ce pas elle aussi qui retient et qui rappelle chaque fois que de besoin, l'essentiel, c'est cela que la science, la technique et la technologie n'arriveront jamais à expliquer. Elle, qui savent le comment des choses, mais qui n'en savent pas le pourquoi. Pourquoi, oui, pourquoi tout cela? Pourquoi la naissance, l'amour, la mort? Pourquoi la souffrance et la maladie? Pourquoi l'intuition d'un ailleurs derrière le cours aventureux des choses? Pourquoi l'éclat radieux d'une jeune fille dans l'éclat des saisons? Pourquoi l'émotion devant un paysage, une lumière, un corps? Que sais-je ? Cela, c'est la vie. Cela dont, au fond, nous ne savons pas ce qu'il est en nous, dans les replis de la conscience. C'est là qui est tout tissé d'humaine et d'incompréhensible palpitation. Cela qui reste secret en nous, notre secret. Cela est le secret même de la poésie. Qui est, qui n'est en fin de compte, que le guide de ce secret. J'affirme, mes amis, que ce secret est le bien commun, le pain commun sur la commune table. Il n'est rien de plus généralement partagé que la difficulté de naître et d'être, que les éblouissements enfantés en nous par l'âme, par l'amour, que les terreurs attachées à la maladie, au vieillissement et à la mort. Ce sont là pour nous tous de puissantes égalités fragiles que la poésie prend en charge dans sa langue et chaque fois que l'homme est tenté par telle ou telle folie de nature impériale, chaque fois qu'il se croit maître de lui comme de l'univers, la poésie vient le reconduire s'il a quitté la voie sur la voie. Voie que chacun se doit de trouver pour lui seul. La voie n'est pas la voie, dit le Tao. Les chemins dans le ciel ne sont pas tracés. C'est à cet orient-là que j'emprunterai ma conclusion. Pour rappeler ce très subtil, ce merveilleux dialogue entre Kikaku et son maître Basho, Paris de vivant, sur la splendeur irisée, si fugitive soit-elle de la vie. Kikaku, le disciple, vient à écrire le haïkai suivant, qu'il lit à son maître pour l'éblouir. Une libellule. Ôtez-lui les ailes, un piment rouge. Non, un piment rouge. Mettez-lui des ailes, une libellule. Merci. Est-ce que nous avons du temps pour les questions ? Je demande à M. Lizia, où est-il ? Absolument. M. Lizia, on a le temps. Bien. Je prendrai les questions. Donc. Oui. Bonsoir, je suis très étonnée. Il faudrait un micro, peut-être. Ou voulez-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un micro en bleu ? Je vais parler fort. Venez prendre ce micro en attendant. Cette conférence que j'ai faite devant vous. Oui, dans un des livres que vous pouvez acquérir ici. Oui. Oui, ça marche. Bonsoir. Tout d'abord, je remercie la ville d'Issy-les-Moulineaux et la médiathèque de nous avoir fait ce grand plaisir de vous recevoir et humblement, je vous remercie pour cette intervention. Merci. Dans un de vos textes, Saisir ce qui est proche, vous évoquez l'intuition, mystérieuse fiancée du chercheur, du poète. Est-ce que cette intuition-là, qui quelque part correspond à cette fusion entre ce qu'on capte, à ce que capte le chercheur, l'artiste, le poète, est-ce que cette intuition-là n'a pas été justement tuée par le divertissement, comme le rêve a été tué, et chaque jour saccagé, et que c'est ce que perd l'homme, le rêve, l'intuition ? Je pense que vous avez tout à fait raison. Vous avez employé un mot tout à fait essentiel, terrible, le mot saccagé. Notre civilisation, qui est si magnifique par ailleurs, par ses réalisations scientifiques, saccage en nous tout ce qui est sensibilité à l'esprit, sensibilité à ce qu'il faut bien appeler l'âme, sensibilité à tout ce que la science, la technique, la technologie, pour ahurissante qu'elle soit dans leur réalisation, ne peuvent pas prendre en compte. Et c'est ce que j'ai voulu dire dans cette conférence. Mais le mot saccagé, je le retiens. Question ? Vous savez, nous sommes entre nous et je ne suis pas anthropophage. Et je vous dirai plus, je suis quelqu'un qui cherche. Et maintenant, Luna, je ne vous le dirai pas, je trouverai dans les dictionnaires, mais je cherche, comme le premier jour. Petite question, s'il vous plaît. Quelle est la référence du texte Le Sultan avec les peintres chinois, japonais et grecs? C'est le Masnavi. C'est un livre de réflexion, de méditation, d'apologue de Jalaluddin Rumi. Il y a une édition du Masnavi chez Albin Michel, dans sa collection Spiritualité vivante. Pas tout le Masnavi, qui a 12 volumes, mais une anthologie du Masnavi. Masnavi, M-A-T-H-V-A-N-I. Vous avez intérêt à le lire. Et plaisir aussi à le lire. Autre petite remarque. Pardon ? Autre remarque, vous avez évoqué Valérie. La poésie de Vahiry, enfin bref, je ne sais pas si vous connaissez le mot de Francis Ponge. Vahiry me disait que je suis pas, la bêtise n'est pas mon fort, et Ponge ajoutait la poésie non plus. La poésie ? La poésie non plus. Oui, oui, parlant de Vahiry. Oui, Vahiry est un immense esprit, et je dois dire que je suis souvent ébloui. Maintenant que les carnets de Vahiry viennent de paraître dans la Pléiade, il y a 2 tomes, par ces textes en prose, par des rêves qu'il a notés. Il y a un côté rimbaldien chez Vahiry qu'il n'a pas su, il n'a pas voulu exploiter dans son œuvre officielle. Sa poésie, j'ai beaucoup aimé Vahiry. Je peux aujourd'hui vous réciter, tenez-vous bien, La Jeune Pâque, 500 vers, si nous avons 2 heures devant nous encore, je vous récite La Jeune Pâque. Donc j'ai beaucoup aimé Vahiry, et puis un jour je me suis dépris quand j'ai senti à quel point il y avait chez Vahiry une sorte de, dans son art poétique, cet exercice, il donne une définition aussi de la poésie qui m'horripile, enchaîner une analyse et une synthèse, dit-elle. Tout cela tient un peu du livre de cuisine. Et donc, à part Le Cimetière marin, qui est probablement le poème, sauf les deux dernières strophes peut-être, qui est un poème venu du cœur, venu de la douleur intime. Sauf Le Cimetière marin et peut-être quelques poèmes du début, Le Bois amical, etc., de Charles, il me semble que l'œuvre poétique de Vahiry est en perte de vitesse. Question ? Vous avez une question, madame ? Non ? J'écoute. Oui, ça va, je voulais vous demander quel est le titre du poème que vous avez lu et s'il serait publié dans une revue prochainement ? Écoutez, le titre est « Deux jardins et le même ». deux jardins, virgule, et le même, n'est-ce pas, ce jeu des interférences. Est-ce qu'il vous a... Ah ben, écoutez, ce poème m'a énormément plu, comme un autre poème que vous aviez publié dans la revue Europe il y a quelques années. Je vous l'avais dit d'ailleurs, j'avais trouvé absolument magnifique. Vous parlez de tout dans ces poèmes. Oui, ce poème va peut-être, hein, je ne sais pas, paraître dans une revue qui me consacre un numéro spécial qui s'appelle Souffle. C'est la plus ancienne revue littéraire de province. Elle a presque un siècle. Elle paraît à Montpellier. Mais alors, pour les remercier de leur attention à l'égard du vieux bonhomme, peut-être leur donnerai-je ce poème que j'ai écrit très vite. Je l'ai écrit en un jour et demi, si vous voulez, une nuit. Et il va paraître, notez-le parce que vous allez acheter le livre avec la bénédiction de M. Lissiard, avec des aquatintes de Titus Carnet. Déjà, enfin, le poème a été écrit il y a 4 jours, 5 jours, et déjà, il est en main, comme disait Félix. Voilà. Question ? Une petite question naïve. Comment vous vient l'inspiration ? Comment faites-vous pour écrire un poème ? Écoutez, si je savais... Vous savez, je ferai du Valérie, ce serait un exercice. Mais j'ai écrit là-dessus, dans un de mes livres paru l'année dernière, qui s'appelle « Sur le cœur d'Israphile », j'ai écrit... Madame ou mademoiselle y a fait allusion tout à l'heure, un texte sur l'intuition, un texte intitulé, c'est un texte qui ouvre le livre et qui est un livre d'essais sur des poètes magnifiques mais dans l'ombre, comme Gieras, comme Henri Thomas, enfin je reprends pour leur adresser mon salut un certain nombre de poètes, que je dis ce qu'ils sont, j'essaie de dire ce qu'ils sont, et ce texte s'appelle, je crois, s'intitule, je crois, « Saisir ce qui est proche ».« Saisir ce qui est proche ». Voilà. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que l'Orient a eu énormément d'influence sur votre... Oui, pardon ? Votre vie de poète, est-ce que l'Orient ? Oh, sûrement, madame. Je viens de dire que tout ce qui est la vie d'un homme, son expérience, et ce qui détermine si la poésie est là, sa parole, sa voix. Et bien entendu, l'Orient, pas l'Orient des mille et une nuits, l'Orient que j'ai vécu, la tragédie de mon pays, la guerre civile dans mon pays, le désastre que, à ma façon et selon mes fonctions, j'ai été appelé à gérer tant bien que mal, l'Orient est présent, pas directement, mais il passe dans mes mots. Il est là. Il est là dans sa lumière et dans sa nuit. Inévitable. L'Orient, les femmes que j'ai connues, les pays que j'ai traversés, huit mois, je crois, fin septembre, vont paraître chez Robert Laffont mes mémoires. Et Je parle de tout cela en prose, en bonne prose, j'espère. Vous me ferez grand plaisir de retenir déjà ce livre. C'est Robert Laffont. Titre du livre, L'extravagance. Parce que tout a été extravagant. À la fin de la vie, je me dis que j'ai vécu directement, indirectement, beaucoup d'extravagance. Et que la vie elle-même est une extravagance. Question ? C'est fini ? Merci beaucoup de votre attention.